On va dire, il est menteur, il est hypocrite. Mais tu sais, il y a des affaires dans la politique qui ne sont pas hypocrites. Tout le pouvoir est basé sur le mensonge parce que tout est caché. C'est quoi le pouvoir? C'est la capacité de cacher l'information. Tu caches l'information, tu vas avoir le contrôle. Tu révèles toutes les informations. Tu mets le public au fait de toutes les magouilles dans les décisions, puis tu laisses le monde voter sur le net, là. Tu vas avoir une autre planète, là. Mais on s'en va vers ça, là. L'apocalypse, c'est principalement ça, là. Éventuellement. Quand Claire a fait une tarte aux pommes, elle garde le secret de sa pâte pour être capable d'avoir le monopole. C'est faire du pouvoir. Et là, on va dire, si je donne ma recette, et puis personne ne va m'en acheter. Et voilà, je viens de comprendre c'est quoi le pouvoir est basé sur la recherche de survie. Tu veux survivre plus que les autres, tu veux t'en mettre plus de côté que les autres. Tu veux pas... on pourrait dire que tu veux aider un pauvre, mais tu ne veux pas l'aider trop pour devenir pauvre. Fait qu'il y a de l'hypocrisie là-dedans. Trop pour devenir riche, tu veux dire. Mais si le riche donne trop au pauvre, il va s'appauvrir, il ne veut pas venir pauvre. Ah, okay, okay, ouais, fait qu'il veut pas. Il s'assure qu'il t'a donné ses surplus. Il ne croit pas qu'il est capable de se renouveler, se régénérer. Il va prêter à d'autriches qui va savoir que ça va y revenir. Le pauvre, il n'y a pas de moyen de te retourner rien. Il faut le laisser crever. Il faut qu'il disparaisse. Qu'est-ce que c'est cette peur de ne pas pouvoir régénérer? Bien, qu'est-ce que tu veux que je t'explique là-dedans? C'est pas assez clair? Moi, j'ai réussi à te faire 300 000 par année. Puis tu as déjà un 80-100 000 qui te protège. Ouais, tu as 300 000 à prêter ou à donner. Mais tu ne touches pas à ton capital, tu ne touches pas à ta sécurité, tu ne touches pas à tout ce qui pourrait engendrer des imprévus qui pourraient te mettre en demande d'aide, en demande de service, en demande d'échange. Fait que tu règnes. Ça t'a été enseigné jeune, ça. On le voit dans tes comportements. Ça vient de ta famille, du côté de ta mère. Même ton frère applique ces règles-là, par instinct, vis-à-vis de ta propre personne. Juste parce que t'es pas marié, juste parce que t'as pas de progéniture pour pouvoir continuer à aligner. C'est cru. Les conditionnements astro, là, c'est très, très, très, très profond. Très profond. Question? C'est-à-dire que, surtout qu'on a des états, c'est astral. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais. Un état, c'est une entité? C'est ça. Donc, un état, c'est à mesure de... C'est à mesure que de l'hypocrisie, parce que là, c'est ça. C'est hypocrite parce que tu ne le vois pas. Mais moi, si je suis capable de démasquer le jeu astral de mes états, ben pas manipulable. Donc, c'est pas hypocrite parce que je le vois. Si je vois l'hypocrisie de quelqu'un, bien, pour moi, il est pas hypocrite, mais lui, il est hypocrite pour lui-même puis pour son environnement. Et tous tes sparages que tu fais, ça endort bien du monde. Ça en est même séduisant. Mais mets-toi une bédaine avec un bébé dedans, là, puis tu vas être moins spontané. Tu vas avoir une boule à rouler. Ça se peut-tu que plus tu es spontané dans la vie, plus tu es proche de ton esprit? Oui. Ou la spontanéité, oui. Elle peut être collée à l'homme? Non. Non. La spontanéité détruit les magouilles de l'homme. Mais spontané, il faut s'entendre. Spontané, c'est être réel. Ouais, c'est pas parce qu'il y a pas de... Être réel, c'est pas une game. Tu joues pas à être spontané. Non. Il t'arrive, là, c'est pour moi, tu es en mouvement ou tu es dans un état. Au niveau de l'âme, tu pensais faire quelque chose, puis dans la spontanéité,